À l'occasion du 52e anniversaire de l'intégration du camarade Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, les conférences, colloques et séances de films ont eu lieu au Danemark, au Mali, au Niger, en Syrie, en Éthiopie, en Chine, en Algérie, au Nigeria, en Indonésie et au Pérou. En séance de film, on a projeté les documentaires coréens comme « Célébration solennelle du 70e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée en présence du respecté camarade Kim Jong-un, drapeau du Parti du Travail de Corée et monument à la fondation du parti ». Aux cérémonies, on prépare les personnalités de différents milieux et les habitants des pays hôtes.